Aurélien Labruyère, bonjour. Vous êtes comédien. Vous allez jouer dans Le Chant des Cygnes 2, mis en scène par Joël Dragutin, au Théâtre 95, qui aura lieu du 15 au 25 novembre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la pièce? Alors, Le Chant des Cygnes, c'est une pièce qui parle de la démocratie et plus précisément de l'illusion démocratique dans la manière dont le discours politique est divulgué dans les médias, enfin diffusé dans les médias, et comment cette parole politique et tous ces discours galvaudent le langage, galvaudent les mots, et que tout ça devient une sorte de grande langue de bois, de chant des signes, et qui empêche le citoyen d'accéder véritablement au sens de la politique et du politique. Et le spectacle remplace le politique, et je crois que c'est ce que Joël cherche à critiquer, à montrer, à dénoncer, à faire un effet de miroir sur ce sujet-là, et montrer ça. Très bien. Vous pourriez nous dire une réplique de la pièce? Alors, mon personnage est le personnage de la gauche radicale, qui s'appelle Loïc, et à un moment donné, il dit cette phrase qui le caractérise assez bien. « J'aimerais vous dire qu'il ne faut obéir qu'aux lois de l'humain et à celles de la nature. » C'est une parole de Vandana Shiva, célèbre écologiste indienne.